Zone Mag vous est présenté par Mag Music, votre disquaire à Amos depuis plus de 24 ans. Bonjour chers auditeurs, bienvenue à une autre émission de Zone Mag. Ici Steve Lévesque et Karine Hudon. Ça va bien Karine? Oui, toi Steve? Oui, oui, ça va à course, mais ça va. On va commencer tout de suite avec une des sorties que j'ai le moins aimée, je vais dire, parce que c'est pas tout à fait mon style. À part... Mais en fait, l'album, c'est un album, le seul album live qui a été enregistré du groupe Wings, qui est le groupe de Paul McCartney, un ancien Beatles. Comme je dis, Wings, c'est pas vraiment mon style de chanson. T'sais, à part quelques, je dirais peut-être 4-5 chansons des Beatles qu'on connaît un peu plus, qui se retrouvent sur cet album-là, que c'est peut-être un peu plus intéressant, que j'ai aimé écouter. Mais sinon... pour moi, c'est pas mon genre, donc j'ai pas, malheureusement, j'ai pas accroché sur cet album-là. Par contre, pour les amateurs de Wings, étant donné aussi que c'est leur seul album live, que c'est une réédition qu'ils ont fait, remasterisée en version CD, ça peut valoir la peine pour ceux qui aiment vraiment ça. Je vais vous faire écouter quelques extraits. C'est sûr que je mettrai pas uniquement des chansons des Beatles parce qu'on les connaît toutes. Hein. Je vais essayer d'en mettre quelques-unes aussi de Wings pour voir la différence. Ouais, c'est ça, pour vous donner une idée d'un peu de qu'est-ce que ça donne. Donc, je vous laisse aux extraits. This ever-changing world in which we live in makes you give in and cry. Say, live and let can do. I'm a bluebird, I'm a bluebird, I'm a bluebird, I'm a bluebird, yeah, yeah, yeah. I'm a bluebird, I'm a bluebird, I'm a bluebird, yeah, yeah, yeah. A bluebird, oh. Le groupe féminin Little Mix sort leur premier album DNA. Elles font un mélange de musique pop, R&B et dance. Elles ont commencé l'enclenchement de leur premier album en décembre 2011. Elles ont travaillé avec près d'une douzaine de producteurs. Et à l'écriture des pièces, ça s'est fait avec trois femmes ayant elles-mêmes participé dans un groupe de filles de musique, dans ouais, le fond. Ouais. Girls Band. Yes. Avec Nicolas Roberts, qui est du groupe Girls Aloud. Tu vas avoir aussi Shazney Lewis avec le groupe All Saints et T-Bowes du groupe TLC. Le premier extrait de l'album, c'est Wings, qui a été très bien accueilli par la critique musicale. Le single a accumulé le numéro 1 dans plusieurs pays, soit Royaume-Uni, Australie, Canada, Belgique, Nouvelle-Zélande et les États-Unis et encore quelques autres. Le deuxième extrait de l'album de Little Mix est DNA. Pour ma part, ça a été une belle découverte parce que je les connaissais pas. elles ont beaucoup de chansons quand même assez rythmées. Fait que, tu sais, c'est pas tout le temps le même beat, à ce que ouais, je peux c'est dire, ça. Puis t'sais. Pour ceux qui connaissent TLC puis All Saints, c'est... ouais, un peu dans les mêmes... Fait que ça risque... Ben, c'est quelque chose qui m'intéresse. Je vais peut-être aller voir qu'est-ce que ça a l'air. Hein. Ouais, puis écoute, les chansons... L'album en tant que tel, il parle de l'automisation des relations, mettons, avec leurs chagrins qu'ils peuvent avoir connus, mettons, ouais. dans les derniers temps. Voici quelques extraits pour ainsi pouvoir faire votre opinion. Things that they might put you through. Does it make you wanna hide the inner you? You're not the only one, so let them criticize. You're untouchable when you realize. Oh, change your life. On avait aussi le chanteur du célèbre groupe CCR, ou si vous préférez, qui est l'acronyme, mais en version longue, c'est Creedence Clearwater Revival. John Fogerty, qui sort un album solo, qui est son 10e album solo. Puis d'après moi, pour celui-là, il s'est fait plaisir, parce que c'est naturellement toutes des chansons de CCR, qui a été repris avec lui, puis avec un autre groupe, ou avec une autre personne. Oui. Mais c'est tous des groupes de styles différents. Donc, tu sais, on a, exemple, Fortunate Son, qui a été faite avec Foo Fighters, qui donne un côté un peu plus rock à la chanson. On a Born on a Bayou avec Kid Rock, on a du Bob Seger qui est embarqué là-dedans aussi, Alan Jackson, donc c'est vraiment très intéressant. C'est très varié comme musicien, comme groupe, donc autant que tu vas avoir des chansons rock, que tu vas avoir des chansons un peu plus soul, tu vas en avoir même qui sont western, donc je crois, moi personnellement j'aime déjà les chansons de CCR. Ceux-là, même si c'est peut-être des styles musicaux que moi j'aime pas, j'ai vraiment aimé ce que ça donnait comme son, comme sonorité. Ben, le titre de l'album, en plus, c'est John Fogerty wrote a song for everyone. Donc ça le dit justement, tu sais, qu'il a écrit une chanson pour tout le monde. Fait que tu sais, c'est. Puis ça a l'air qu'ils se sont vraiment réunis dans un studio. Puis ils ont travaillé comme de 10 à 18 à 24 heures de travail, mettons, en ligne, là, pour donner le résultat de l'album. que j'ai bien hâte de voir de quoi ça a l'air. Ben, en tout cas, moi, je l'ai écouté, puis je peux vous dire que Amos Lassar, c'est très plaisant. Ah oh, oui, c'est très, très plaisant. Donc, on vous fait écouter quelques extraits. Je vais essayer de mettre des... justement, comme je vous dis, des... Ben, je n'aurai pas le choix parce que c'est effectivement des styles différents, mais je vais essayer d'aller chercher vraiment peut-être les à extrémités. Là, ouais, c'est ça, pour vous donner vraiment les différences qu'il y a entre chaque chanson. Rapide et dangereux, soit Fast and Furious, a ajouté une sixième édition à leur collection, ce qui veut dire sixième film, sixième bande sonore. Pour cet album, il apporte différents styles musicaux, soit le dubstep, qui est très populaire depuis les derniers temps, mettons. C'est un mélange de UK garage et du two-step. Fait que c'est vraiment un style électronique qui peut être très intéressant parce que, honnêtement, de eux, on entendait plus du hip-hop ou en tout cas dans les, ouais, dans les trames sonores précédentes. Tout dépendant aussi dans quel style véhicule que vous étiez, parce que si vous étiez des styles plus muscle car, ben là, c'est un peu peut-être un peu plus rock, ouais. Plus, tandis que si vous êtes plus, flashy, là, mais tu sais que... c'est le look qui compte dans le char, ben là, c'est beaucoup plus underground, hip-hop, puis... Exact. Il y a aussi un peu de musique tendance latine, qu'on peut avoir trouvé aussi dans les autres albums, que dans celui-là, il y en a pas trop, c'est juste correct, puis avec aussi, on va retrouver du hip-hop, du rock, puis du pop. On y retrouve aussi plusieurs grands noms de la chanson, soit Lil Wayne, Cypress Hill, Wiz Khalifa, 2 Chainz, Don Omar, David Guetta, Usher et Ludacris. Cet album, c'est une belle réalisation qui, en plus du film qui est présentement à l'affiche dans plusieurs cinémas, peut sûrement donner goût aux fanatiques du film de vouloir en connaître plus sur la trame sonore. À ne pas écouter en voiture. Non, ça peut coûter cher. Voici quelques extraits qui vous en donneront plus à ce sujet. Sean Khalifa, man. Two Chainz. Money's the motivation, money's the conversation. You on vacation, we getting paid, so we on vacation. I did it for the fam. It's whatever we had to do, it's just who I am. Yeah, it's the life I chose. Gunshots in the dark, one eye closed. And we got it cooking like a one. So Annie, Chicken G, get a hula. Now I'm on a higher purpose, and you haters don't deserve us, but we give it to you like a virus. We the highest motherfuckers, ruling from the hills of Cyprus. The magnificent, you insignificant. See what's in my weed sack, bitch. Try sniffing it, sending, not hitting it. The smell so aromatic, smoking out the room. Sorry, homie, it's a fucking habit. Mad dog off the leash. On avait aussi Dio qui ressortait un album tiré d'un show live qu'ils ont fait à Philadelphie en 86, qui était précédemment sorti en VHS, parce qu'en 86, il n'y a pas vraiment de DVD. Donc, c'est le spectacle, c'est-à-dire le CD du spectacle. On sait que Ronnie James Dio, il est décédé le 16 mai 2010, donc ça fait bientôt... ça l'a fait déjà 3 ans. C'est un 5e album live pour le groupe. Si vous connaissez pas Dio, ben Dio c'est un groupe de... je dirais pas airband parce que c'est un peu plus rock, c'est un peu plus lourd que airband, mais c'est dans les années là, 80. C'était un peu plus dur que se faisait dans les groupes de airband. C'est aussi un album qui s'écoute très bien en voiture. C'est le genre d'album, il y a des albums des fois que t'écoutes, puis si t'écoutes l'album au complet, tu viens comme un, pas tanné, mais c'est comme un peu trop. Celui-là, là, d'un bout à l'autre, écoute, je pense qu'il y a 2 CD, malheureusement, il y en a juste 6 sur le 2e CD, c'est ce que j'ai trouvé, j'ai déploré un peu, il me semble, il aurait pu peut-être mettre soit des chansons inédites ou des chansons... studio, plus de matériel. Mettons, ouais, c'est ça, pour remplir un peu le 2e CD. Mais sinon, c'est une 20aine de chansons là, qui sont donc, en show. Une bonne quantité, écoute, là. C'est ça, on les écoute là, une après l'autre, puis on ne se tente pas. Puis il y a des solos, solo drum, solo de guitare qui valent la peine vraiment d'être écoutés. Là. Donc ça aussi, étant donné que j'ai fait à Mas-la-Sarre comme 6 fois en fin de semaine, parce que j'allais au Salon du Livre, là, j'ai eu le temps d'écouter les CD en masse, fait que... Ça s'écoute très, très bien en voiture. Par rapport aux anciens albums live qu'on pouvait, mettons, avoir entendu peut-être là 7 ou 8 ans, à ce temps, avec la technologie, ils sont capables d'aller... Rehausser la qualité du son. Ouais, exact. Ça, fait que tu sais, les petits applaudissements ou les petits cris, on les entend un peu moins que ce qu'on avait tendance à entendre. Ouais, c'est ça. Puis s'il n'avait pas sorti l'album, le show en CD, ben là c'est une belle occasion de l'avoir uniquement musical parce que si ceux qui l'ont acheté en VHS, ben là ils l'ont pas. C'est ça. Ils l'ont pas en CD. Là, ça te permet de l'écouter maintenant à cette heure dans les véhicules récents qui ont plus de tape cassette. Donc on vous fait écouter quelques extraits. You can't. Le chanteur country natif de Drummondville, George Hamel, sort un nouvel album qui s'intitule « Je reviens de très loin ». Un 43e album en carrière pour le chanteur. Après une pause d'environ 4 ans due à un cancer de la moelle osseuse, le grand de la chanson country débuta sa carrière en 1974. Il publia son premier album en 1977. Ses premiers grands succès qui l'ont fait connaître, c'est La valse des amoureux, Petite Maryse, Portez-lui des ses roses, excusez-moi, et Mon petit frère. Et à ce, se multiplient encore les années et de nombreux coups de cœur qu'il a pu faire tout au long de sa carrière. Suite à cela, il produit des albums sur une base régulière d'environ un par année et écrit plus de 200 chansons à partir de, mettons, d'aujourd'hui à depuis le début de sa carrière. Le chanteur reste fidèle à lui-même avec encore une fois de très bons, un très bon album, très mélodique et rempli d'émotions étant donné que l'album, il l'a écrit pendant qu'il était à l'hôpital. Qui recevait ses traitements. Ouais, c'est ça. Donc, il y a sûrement une partie de ce qu'il vivait qui se ressent dans sa musique. Exactement. Puis, il a offert cet album-là vraiment aux fans, tous ceux qui ont connu la maladie ou qui sont dans la maladie, puis qui peuvent, comme, donner un petit regain de. Un petit boost d'énergie, puis dire, regarde, lâchez pas, là, vous êtes capable, j'ai passé à travers. Fait que tout le monde peut passer à travers. Là. Est-ce que tu sais s'il y a une partie de l'argent qu'il fait avec le CD qui est remis à une cause quelconque? Non, dans le livret, il y avait comme rien de vraiment... Détails, non. Fait que peut-être qu'après ça, il peut amener des fonds à une certaine maison, là, mais pour l'instant, j'ai rien vu à ce sujet-là. Voici quelques extraits qui vont s'attacher à cet album. Je reviens de très loin, vraiment de très très loin, pour un nouveau matin, vers un nouveau chemin. Je reviens de très loin, pour suivre mon destin, le cœur plein de refrains. Sur la scène pour vous y offrir ma vie en chanson. Je vous redirai combien je vous aime. Je sais que les anges du paradis sont près de nous pour nous guider. Faut leur demander leur appui sur notre vie. tu compliques ta vie en pensant à demain. Côté des autres sorties musicales, dans le pop rock, on avait Snow Patrol qui sortait un Greatest Hits. On a Primus qui sort Sailing the Sea of Cheese. On avait Champion aussi qui sortait Degree One. Monster Truck qui sortait l'album Furiosity. Puis on a Art and Craft qui sortait l'album éponyme qui est Art and Craft aussi. Champion, ça faisait longtemps lui aussi qu'il n'avait pas fait d'album. Lui aussi était malade. Il avait peut-être pas un cancer, là, mais c'était mais quand c'est, même... C'est le champion DJ, de DJ ouais, Champion. Ouais, exactement. Pour ceux qui n'avaient pas replacé. du côté métal, on a Anvil qui sortait l'album Hope in Hell. Puis on avait Alice in Chains qui sortait Devil Put the Dinosaur There. Dans le côté francophone, on a Linda Talley qui sortait Normadia. Et Bertrand Gosselin qui sort Tant dans les voiles. Dans le côté hip-hop anglophone, on a Talib Kweli, j'espère que je le prononce comme il faut, qui sort Prisoner of Conscious. Puis dans les artistes variés, on a Duo Tandem. Dans les nouveautés DVD, on retrouve cette semaine Adieu, vie de jeune fille, une comédie. On retrouve aussi Dark Sky, qui est un film d'horreur. Et dans les sports pour les passionnés de lutte, WWE Top 25 Rivalry in Wrestling 2013. Ça peut être intéressant. du côté des sorties de jeux, on a Donkey Kong Country Return 3DS. On a aussi Grid 2 sur Xbox et PS3. Puis on a aussi Fuse qui est également sur Xbox et PS3. Aussi, en fin de depuis la fin de semaine passée, se déroule à Rouyn-Noranda le Festival des guitares du monde en Abitibi-Témiscamingue. Il débutait du 26 mai au 2 juin. C'est près de 90 rencontres musicales, principalement à Rouyn, mais qui est un peu étalé dans toutes les villes et villages de l'Abitibi. OK. C'est peut-être quelque chose d'intéressant pour les passionnés de musique, là, s'ils veulent voir des gros noms. Et... Oui, généralement, c'est pour voir les grands noms de guitare. Là, c'est vraiment une place à ne pas manquer. On essaiera peut-être de faire un suivi justement sur les artistes qui se sont... qui ont fait des prestations dans la semaine. Puis la semaine prochaine, on vous reviendra peut-être avec un résumé là, de ce qui s'est passé durant cette semaine-là. Donc, c'est déjà tout pour cette semaine. On vous dit à la semaine prochaine et bonne écoute! Bye-bye! Bye! Zone Mag vous est présentée par Mag Music, votre disquaire à Amos depuis plus de 24 ans.